إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on continue maintenant le cours 22 dans l'explication de l'usul al-thalatha avec le sharh du Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله. Et comme j'ai mentionné hier, le cheikh il était rentré à l'hôpital hier dans la journée parce qu'il avait eu un malaise, et aujourd'hui il a été opéré, le cheikh, pour les poumons, parce qu'il avait de l'eau dans les poumons. Et d'après ce que on nous a transmis à son sujet, au sujet de son état, c'est que son état s'améliore et que inshallah sa situation est stable maintenant. Donc Inch'Allah, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse le plus tôt possible. Donc ça c'est par rapport à l'état du Cheikh Zayd, hafizahullah. Et donc je voulais juste donc vous mentionner ça pour commencer. Et ensuite on continue à partir de l'endroit où on était rendu hier, l'explication des trois fondements. On avait parlé de al-imanu billah, que le premier fondement c'est ma'rifatullah, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite de connaître sa religion. On a expliqué que la religion d'Allah c'est l'islam, et qu'il n'y a pas d'autre religion qui sera acceptée que l'islam par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a mentionné le dalil de ça dans surat al-Imran, verset 85. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Puis on a expliqué donc que ça c'est la voie à suivre. Et à la fin du dars, il y a un frère, j'ai oublié ton nom, c'était quoi? Karim. Naam. Donc le frère Karim, il nous avait posé la question par rapport à la salafia, puis qu'est-ce que certaines personnes mentionnent au sujet du fait que la salafia c'est une secte, hein, et des choses de ce genre. Puis la plupart des gens qui disent ce genre de choses-là, souvent, c'est des gens qui prétendent que eux, ils ne font partie d'aucune secte ou d'aucun groupe. Et si tu vas retourner, comme on avait expliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle des 73 sectes, et que parmi les 73 il y en a une seule qui va au paradis et que toutes les autres sont en enfer, eh bien quand les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam laquelle sera au paradis parmi ces 73, eh bien il a dit c'est celle qui me suit ainsi que mes compagnons, celle qui suit mon exemple, celle qui suit ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Donc de suivre la salafia, c'est de suivre ça, de suivre la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis. Et on a expliqué que même si les gens qui disent ça, que la salafia c'est une secte, nous on dit oui, du point de vue de ce hadith là, c'est la secte qui est sauvée parce qu'elle suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi que ses compagnons, et c'est le groupe victorieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith, qu'il y aura toujours un groupe de sa umma qui sera victorieux sur la vérité jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Et il a dit à leur sujet la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum, que ceux qui s'opposent à eux ou qui les abandonnent ne pourront leur faire aucun tort. et ils seront ainsi jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement. Et par rapport à ça, donc, c'est pour dire que si ceux qui disent que la salafia c'est une secte, on leur dit c'est le groupe sauvé et c'est le groupe victorieux. Et en même temps, on leur dit aussi que eux, ils prétendent qu'ils ne font partie d'aucun groupe. Toutefois, demandez-leur qui sont leurs chouyours, quels sont les livres de référence qu'ils utilisent pour apprendre leur croyance et leur aqidah, hein, et quelles sont les références qu'ils ont, et vous allez voir qu'eux aussi font partie ils ont des appartenances, ils font partie d'un groupe ou ils font partie d'une secte quelconque, hein. Il n'y a personne qui va dire, comme certains qui disent, moi je suis perché avec personne. Je suis pas salafi, je suis pas chiite, je suis pas sunni, je suis pas ikhwani, je suis pas tabliri, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas ça. Yani, ça c'est yani, ça veut dire t'es quoi? Hein? T'es rien? Ça veut rien dire ça, si tu dis que je suis rien. Quelque part, à un moment donné, il faut que tu prennes ta aqida de quelque chose. Il faut que tu prennes ta aqida de quelqu'un. Entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans. Qui nous sépare. Toi, tu n'as pas appris directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est impossible. Hein? Et tu n'es pas un prophète. Donc, tu as pris d'un livre quelconque. Tu as pris des références. Et c'est qui ces références? On va savoir c'est qui. Est-ce que ce sont des gens qui font partie des Asha'ira, ou des Maturidiyya, ou des Khawarij, ou des Shia Rafida, ou bien ils font partie des groupes contemporains comme les Ikhwan, ou Tablir, ou des groupes comme des tendances, il faut qu'ils viennent de quelque part. Donc toi, tu te situes où par rapport à ces groupes-là? À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba, c'était inutile de dire qu'on est sunni ou salafi. Personne n'allait dire ça. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou au temps des Sahaba, personne n'allait dire moi je suis sunni ou je suis salafi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait que la salafia, il n'y avait que la sunna, il n'y avait pas de bid'ah, il n'y avait pas de secte encore. Mais lorsque les sectes ont commencé à apparaître, les khawarij, les rafida, et les mu'tazila, et les jahmiya, et les autres sectes par la suite, ajara, maturidiya, hein, et les qadariya, et les jabriya, hein, et ainsi de suite, et les deux autres groupes qui sont apparus, les gens de la sunna ont été obligés d'utiliser des termes pour se distinguer de ces sectes-là et pour se distinguer de ces groupes d'innovation. Et donc, ils ont ramené des textes qui sont des textes qui ramènent la clarification du droit chemin et de la voie qu'on doit suivre, et ils ont tiré de ces textes-là des noms sur lesquels on se base pour se distinguer. Comme par exemple, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est des gens qui se réfèrent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des compagnons du prophète, hein, comme on dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et dans l'autre hadith qu'on a lu tout à l'heure des 73 sectes, il a dit, hein, le groupe sauvé c'est celui qui sera sur mon exemple, qui suit mon exemple, et celle de mes compagnons. Donc ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de ses compagnons. Si tu regardes tous les groupes et toutes les sectes, ils disent tous, nous on suit le Coran et la sunna. Il n'y a pas de divergence entre eux sur le fait qu'il faut suivre le Coran et la sunna. Ils le disent tous, ils le prétendent. Mais après, ils ont toutes, chacun leur propre interprétation du Coran et de la Sunna. Et ils ont toutes leur propre méthodologie pour interpréter et comprendre le Coran et la Sunna. Est-ce que elles sont toutes bonnes? Non. La seule qui est bonne, c'est celle qui retourne à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont étudié avec les sahaba après, de génération en génération, jusqu'à notre époque. Ce sont eux qui sont le groupe sauvé. Et les autres tendances qui sont apparues par la suite, que ce soit les frères musulmans, soit les tablir ou d'autres groupes, ce sont des gens qui font partie de différentes sectes, soit que ce sont des soufis, soit que ce sont des ash'ara, soit que ce sont des gens des maturidiyya, des sectes de la maturidiyya ou des diobandiyya, différentes sectes. Et après, quand ils te parlent, ils te disent, nous on est juste des musulmans, on dit juste musulmans, on ne dit pas d'autre chose. parce qu'ils veulent te faire croire qu'eux, ils sont sur la bonne voie. Et ils cachent leur réelle appartenance. Mais quand tu retournes à leurs livres, quand tu retournes à leurs chouyours, quand tu retournes à leurs enseignements, là, tu réalises qu'ils ont autre chose que la voie d'Ahl Sunnah al-Jama'ah. Et ils prétendent, ils veulent pas se dire un nom pour éviter de faire croire aux gens qu'ils font partie d'une secte, alors que la réalité, c'est qu'ils font partie d'une secte, mais ils veulent le cacher. Hein? Et ils disent, vous, les salafis, vous divisez les musulmans parce que vous dites salafi et vous vous appelez salafi. Hein? Alors qu'eux aussi, ils se donnent des noms, mais ils ne veulent pas le présenter. Surtout quand ils s'adressent à des convertis ou quand ils s'adressent à des gens qui sont des débutants ou des gens qui n'ont pas étudié la aqida ou l'islam, pour essayer de les prendre pour des gens qui ne comprennent pas. Donc, ils jouent avec eux, avec le fait de se dire, nous, on n'appartient à aucun groupe. Hein? Alors que ce n'est pas le cas. Donc ça c'est important. C'est pas parce que quelqu'un critique personne ou ne dit pas à propos des autres qu'ils ont des erreurs qu'ils sont corrects. Justement, des fois ils font ça pour cacher eux-mêmes leurs égarements et des fois c'est comme dans le sens ils agissent selon des règles pour essayer de dire bon, tu me critiques pas, je te critique pas. Si tu me critiques pas, je te critique pas. Mais si tu me critiques, je te critique. Alors que la façon dont on doit agir, c'est d'agir pour Allah. Et si je te critique, c'est pas pour c'est pas contre toi, mais c'est pour plaire à Allah, pour clarifier la vérité et pour faire connaître aux gens le faux. Mais si tu me critiques après, ça me dérange pas. Si tu me critiques avec des preuves, si tu me critiques pour clarifier la vérité, alhamdoulillah. Si tu es sur le Coran et la Sunna, la compréhension des Sahaba, puis tu me critiques parce que j'ai une erreur, et tu veux clarifier l'erreur, alhamdoulilah, ça c'est bien. Mais si tu me critiques juste par jalousie ou par vengeance, ou pour essayer d'éloigner les gens de la vérité, là il y a un problème. Tu vois? Donc c'est ça la question de la salafia. C'est juste un petit point que je voulais clarifier par rapport à ça. Lorsque vous rencontrez des gens et qu'ils vous critiquent les salafis, posez-leur des questions sur qui sont leurs références, quels sont leurs livres, quels sont leurs chouyours, et vous allez découvrir la réalité à leur sujet. Et si vous n'êtes pas capable de vous en souvenir, hein, alors demandez-leur de les écrire pour vous sur une feuille. S'ils disent, ah, mais je ne connais pas. Il y en a même des takfiriens, par exemple. Si vous leur parlez, ils disent, les vrais savants sont tous en prison, ou sont quelque part cachés dans des grottes. Tu leur demandes, oui, mais c'est quoi leur nom? Ils disent, ah, on ne sait pas leur nom. Et on leur demande, c'est qui? On ne sait pas qui ils sont, ou bien on peut pas le dire, ils ne veulent pas le dire. Pourquoi? Parce que s'ils disent les noms de ces gens-là, tout de suite on va savoir que ce sont des khawarij et des takfiriyin. Et donc on va savoir que ce ne sont pas des gens qui sont sur la vérité. Donc il y a des fois ces gens qui cachent leurs références pour ne pas se faire démasquer, pour ne pas qu'on sache qui ils sont ou à quoi ils se réfèrent. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important de retourner toujours aux références des personnes. Tu leur demandes, c'est qui les noms de leurs chouyours, c'est quoi leur tendance, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils suivent, c'est quoi les livres de Aqida, hein, vers lesquels ils se réfèrent pour apprendre à propos d'Allah et leurs croyances de l'islam. Si ils te donnent des références, après tu vas pouvoir savoir. Mais sinon, tu vas, hein, ils se cachent comme ça, ils veulent pas montrer la réalité, ils veulent cacher leur réalité. Donc on a expliqué la question qui a rapport avec le fait qu'il n'y a pas d'autre religion qui va être acceptée sauf l'islam. On a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ أَوْ نَصْرَانِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. C'est-à-dire que le prophète m'a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, nul d'entre les gens de cette umma, qu'ils soient juifs ou chrétiens, qui meurt sans après avoir entendu parler de moi, et qui meurt sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu, excepté qu'il sera parmi les gens du feu. Ok? Et donc le cheikh a expliqué qu'il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Et là maintenant il dit وَطَرِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَحْصُورٌ فِي مَصْدَرَيْنِ كَرِيمَيْنِ المصدر الأول كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والمصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال في حقها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Donc le cheikh explique que les deux sources dans l'islam, ou la voie pour connaître le messager d'Allah et pour le suivre, sont limitées à deux sources nobles. Et la première source, c'est le livre d'Allah, celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, dans le verset 3 dans Surat Al-A'raf, « Suivez ce qui a été révélé sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas rien d'autre en dehors de celui-ci comme allié. » Et comme vous vous souvenez peu. Et le verset, la deuxième source, c'est la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, dans ses actions et dans ses approbations. Et parmi les preuves de ça, parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, il a dit « Fa'alaykum bi sunnati ». Alors, c'est-à-dire, je vous demande de vous accrocher à ma sunna, ainsi que la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et les successeurs bien guidés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar, Othman et Ali radiyallahu anhum. Ça c'est les khulafa ar-rashidin. Ok, il a dit accrochez-vous à ceux-là et mordez dedans avec vos molaires. Hein? Ça c'est pour nous montrer de quelle façon on doit s'y accrocher. Le cheikh il dit thumma iqtaraha arba'u mawad. Par rapport à ce point-là, il dit ثم اقترح أربع مواد الإسلام دين الدولة الرسمي وثانيا non, ça c'est la suite de la note de bas de page qu'on avait lue hier à la fin du cours. Ça par rapport avec ça. Donc on continue. Le cheikh il dit وقد هيأ الله عز وجل أنصارا لهذا الدين في كل زمان وفي كل مكان يقلون ويكثروا يقلون ويكثرون وإمامهم هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أول من أسلم وهو أول من دعا إلى الإسلام وتسبب في هداية أنصار الإسلام فكان طلبته المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour cette religion des défenseurs, des gens qui viennent pour la défendre, et à toutes les époques et dans tous les endroits il y a toujours des gens qui sont préparés et prêts pour que Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour la défense et la protection de sa religion, et parfois ils sont plus nombreux, parfois ils sont moins nombreux, ça dépend de l'époque, ça dépend du lieu, et leur imam, leur tête, leur chef, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier de ceux qui se sont soumis à Allah, et c'est le premier qui a appelé à l'islam et qui a été la cause de la guidance de tous les défenseurs qui sont venus par la suite parmi les défenseurs de l'islam. Et parmi ses élèves, les premiers qui ont cru en lui, c'était les muhajirin et les ansar, ceux qui ont cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier. Que Allah soit satisfait d'eux et que yani il les agrée. Ensuite le cheikh il dit wa suhqan wa bu'dan liman abghadahum wa aadahum. Donc le cheikh il dit que soient éloignés et maudits ceux qui les détestent et ceux qui les opposent ou qui s'opposent à eux ou qui ont de l'animosité envers eux. Donc ça veut dire que ceux qui détestent les sahaba, ils sont dans la malédiction. Ceux qui détestent les sahaba, comme par exemple les Rafida, la secte des Rafida, ceux qu'on appelle les Shia. Bon, Shia c'est un nom qui englobe plusieurs sectes, comme on a expliqué hier. Et parmi ces sectes-là, il y a la secte des Rafida. Eux, ils détestent les sahaba, et même qu'ils considèrent que c'est une adoration pour eux de les insulter. Ils pensent qu'en insultant les sahaba, ils se rapprochent d'Allah. Ils ont des hasanat. Ils pensent qu'ils gagnent des hasanat en insultant les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils insultent aussi les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. et il pense que cela c'est quelque chose qui les rapproche d'Allah de faire ça. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est la raison pour laquelle ils font ça et pourquoi aussi ils vont jusqu'à les déclarer mécréants, les déclarer koufars, c'est parce qu'ils prétendent qu'ils ont volé la succession de Ali radiallahu anhu. Comme s'ils disent qu'eux, ils pensent qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça devait, celui qui vient après, qui devait le succéder, ça devait être son cousin Ali ibn Abi Talib. Hein? Et ils disent que les sahaba ont volé sa succession et l'ont donné à Ali radiallahu anhu. Alors que ça, c'est un grand mensonge. Et la preuve, c'est que même Ali radiallahu anhu lui-même, il a agréé de Abu Bakr et de Omar et de Uthman. Et il était proche d'eux et il n'y avait aucun problème entre eux et lui. Et même que Ali radiallahu anhu, il a donné même sa propre fille en mariage à Omar ibn al-Khattab, Kulthum. Hein? Donc, comment il aurait donné sa fille en mariage à quelqu'un qu'il considère mécréant? Hein? C'est pas possible. Donc, c'est un exemple du mensonge et de l'égarement de ces gens-là. Et il y a plein d'autres preuves aussi de ça. Il y a des narrations, des clarifications. Et j'ai fait sur les Rafida 25 cours sur leur croyance et sur leur égarement, et pour montrer comment ils sont en contradiction avec l'islam et en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et les cours sont disponibles sur le site Salafi de Montréal, donc vous pouvez retourner à ces cours-là. Ensuite le Cheikh il dit وَلَقَدْ جَاهَدُوا بِأَنفُسِهِمْ. Donc j'ai dit qu'ils insultaient les sahaba et qu'ils les déclaraient kuffar, et également bon, ils ont d'autres égarements, mais ça c'est parmi une de leurs égarements. Et si quelqu'un déteste les sahaba et les insulte, il est considéré comme étant un mécréant. C'est-à-dire il sort de l'islam de cette façon-là. Parce qu'il a, il a attaqué l'intermédiaire qui existe entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que qui nous a transmis l'islam? C'est les sahaba. Sans les sahaba, on n'aurait jamais connu l'islam, on n'aurait pas eu le Coran, on n'aurait pas eu la sunna. Ceux qui nous ont transmis ces sources-là, c'est les sahaba. Donc en attaquant les sahaba, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, s'ils attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair qu'on va dire qu'ils sont des koufars. Donc puisqu'ils ne peuvent pas faire ça, ils attaquent ceux qui ont pris l'islam de lui, les sahaba. Et ils ont des livres qu'ils ont écrits, qu'est-ce qu'ils appellent, comme dans la science, dans le hadith, il y a une science qu'on appelle al-jarh al-ta'dil. Hein, la science de la critique, hein, de la critique des narrateurs. Eh bien, les gens d'Ahl al-Sunnah, ils ont des livres de Jarh al-Ta'dil que les imams de l'islam ont écrit, dans lesquels ils mentionnent le nom de chaque narrateur et ils mentionnent ce qui a été dit à son sujet. Et si un d'entre eux est mauvais ou qu'il a une bid'a ou quelque chose, ils mentionnent lui, il est mubtadi', il est de telle secte, il est de telle secte, pour que les gens sachent. Pour savoir que son hadith ne va pas être accepté. Ça, il y a des collections de volumes qui parlent de ces sujets-là et qui traitent de ces sujets-là. Donc, parmi les exemples des Rafida, c'est que eux, ils se sont écrits eux-mêmes leurs propres hadiths, parce qu'ils ont leur propre livre de hadith fabriqué. La plupart de leurs hadiths n'ont pas de chaîne de transmission. Parce que eux, ils croient que leurs imams sont infaillibles et qu'ils ont la connaissance infaillible de l'islam. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une chaîne de transmission, depuis que c'est rapporté par leur imam directement. Donc, pour eux, c'est authentique. Ils sont nés avec la science. Hein? Ils connaissent même la date de leur mort à l'avance. Et ils meurent quand eux décident de mourir. Ça fait partie des croyances des Rafida à propos de leurs 12 imams. D'accord? Eh bien, parmi les exemples qu'ils mentionnent, c'est que dans leurs livres, ils ont des livres de Jarh al-Ta'dil dans lesquels ils critiquent les narrateurs. Et qui sont critiqués dans ces livres-là? Tous les gens de la Sunna, tous les Sahaba, tous les Tabi'in, tous les Tabi'in, tous ceux qui ont été connus comme étant les rapporteurs de hadith dans l'islam, ils sont pour eux ceux qui sont critiqués, ceux de qui on ne peut pas prendre les hadiths, ceux dont les hadiths sont rejetés. Donc, vous voyez tout de suite comment ces gens-là ont une haine envers l'islam et les musulmans. Donc, laissez-vous pas tromper par l'apparence. Hein, laissez-vous pas tromper par l'apparence des chiites en Iran ou au Liban ou ailleurs, que ce soit Al-Khomeini et ceux qui l'ont suivi, ou que ce soit le groupe qui se fait appeler Nasrullah ou Hezbollah en Iran ou ailleurs. Ça, c'est des noms qui ne s'appliquent pas réellement à ces personnes-là, parce qu'ils ne sont pas le parti d'Allah et ils n'ont rien à voir avec l'islam. Le cheikh il a dit: وَلَقَدْ جَاهَدُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةَ الْكُفْرِ هِيَ السُّفْلَى فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا حَتَّى انْتَشَرَ الْإِسْلَامُ وَارْتَفَعَتْ رَايَتُهُ وكثر أتباعه من العرب والعجم بفضل الله عز وجل ثم بتلك الجهود المخلصة الطيبة التي نادت بالإسلام على علم وبصيرة ودعت إلى أصوله وفروعه وفضائله ومحاسنه بالقول والفعل والعمل. الشيخ il dit que les Sahaba ont lutté dans le sentier d'Allah avec leurs personnes, leurs biens et par leur langue. Ils ont lutter pour élever la parole d'Allah, pour qu'elle soit la plus haute, et pour que la parole de la mécréance soit la plus basse. Et ils ont conquis des terres. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces terres-là soient conquises par leurs mains, à l'ouest et à l'est, à l'orient et en occident, jusqu'à ce que l'islam se soit répandu partout dans ces contrées-là. Et que, la bannière de l'islam soit élevée, le drapeau de l'islam soit élevé, et que le nombre des gens qui suivent l'islam devienne très grand parmi les arabes et parmi les non-arabes par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Puis avec et tout ça donc le cheikh dit, puis ensuite c'est à cause de ces efforts sincères et bonnes qui de la part des sahaba qui ont appelé à l'islam avec science et avec compréhension, et ils ont appelé à ses fondements, ils ont appelé à l'islam dans ses fondements, dans ses éléments dont qui découlent de ces fondements-là, dans les fourrures et dans également dans les bienfaits, les bons aspects des bonnes paroles, des bonnes actions et des bons gestes qu'ils ont posés. Donc ils ont appelé à l'islam dans toutes ces dimensions. ثم تبعهم على ذلك أنصار الإسلام من مجاهدين فاتحين في القرون المفضلة ومن علماء ربانيين ربانيين اهتموا واعتنوا بتدوين تعاليم الإسلام تعاليم دين الإسلام من تفسير كلام رب العالمين وتدوين سنة سيد الأنبياء والمرسلين والعمل على تنقية الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود منها وهذا يعتبر من أعظم أنواع الجهاد. Donc le cheikh il dit, puis ils ont été suivis par la suite, les sahaba ont été suivis par la suite par des gens qui ont lutté dans le sentier d'Allah parmi les mujahidines, qui ont conquis les terres de l'islam parmi les siècles préférés, c'est-à-dire les trois premières générations. Et parmi eux, bien entendu, des grands ulama rabbaniyin qui se sont préoccupés et qui ont donné de l'importance au fait de mettre par écrit les enseignements de la religion de l'islam dans les livres de tafsir pour comprendre l'interprétation de la parole d'Allah, les livres de tafsir. Donc les ulama ont commencé à écrire des livres pour clarifier les paroles d'Allah et pour également préserver la sunna des prophètes et des messagers. Donc ils ont commencé à mettre par écrit les livres de la sunna, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et les sunan, tous les autres masanides et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des livres qu'on en a parlé déjà. Al-Bukhari, on a dit, c'est le livre le plus authentique de hadith après le Coran. Après il y a Sahih Muslim, Donc, Al-Bukhari et Muslim, il faut écrire ces noms-là. Ça, c'est des noms, si vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas les références fondamentales de l'islam. Après le Coran, il y a quoi? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ça, c'est les deux. Ibn Kathir, c'est un livre de tafsir. C'est un des savants qui est venu 700 ans après. Donc, il fait partie de ces générations-là. Il est venu plus tard, mais il fait partie de nos ulama, alhamdoulilah, qui ont préservé la religion aussi. Mais ce n'est pas la même génération, tu vois. Donc, il y a aussi ensuite les livres des imams qui ont récolté les sunan, comme Sunan Abu Dawud, hein? Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Tirmidhi, Sunan ibn Majah. Tout ça, c'est aussi des livres de hadith, hein? Des sunan importants. On les appelle As-Sihah, ces livres-là que je viens de nommer, on l'appelle As-Sihah. Hein? Et il y a également la Musnad de l'Imam Ahmad. Musnad de l'Imam Ahmad, qui est le cheikh de tous ces chouyoukhs-là. La plupart d'entre eux ont étudié avec l'Imam Ahmad. L'Imam Al-Bukhari a étudié avec l'Imam Ahmad. L'Imam Muslim a étudié avec l'Imam Ahmad. L'Imam Abu Dawud a étudié avec l'Imam Ahmad. Hein? Et donc, la plupart d'entre eux, ils ont tous étudié avec ce grand imam. Et avec beaucoup d'autres également parmi les grands imams de l'islam. Donc c'est pour dire que ils se sont tous connus les uns les autres, ils ont tous étudié les uns avec les autres, ils sont tous parmi les grands savants de la religion musulmane. Naam. Donc ensuite, il dit que donc ces grands imams, ils ont préservé, donc ils ont écrit les paroles et les actions et les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont travaillé également pour purifier les hadiths et distinguer qu'est-ce qui est authentique de qu'est-ce qui est pas authentique, pour distinguer de qu'est-ce qui est authentique de qu'est-ce qui est faible, hein? Donc ça aussi, ça a été un grand travail qui a été fait par les grands savants de l'islam, et pour savoir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est rejeté de ces hadiths-là. Parce qu'il y a des hadiths qui sont attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont faibles, ou qui sont fabriqués. Donc les savants de l'islam ont travaillé pour les séparer, pour les distinguer, pour qu'on puisse savoir comment on prend notre religion comme il faut, de sources et de références authentiques. Et le cheikh dit ensuite, et que ça fait partie des plus grandes formes de djihad. Hein, des fois vous voyez des gens aujourd'hui qui prétendent appeler au djihad ou prétendent faire le djihad, et ils pensent que le djihad, ça consiste à faire des actes de terrorisme ou des choses de ce genre, alors qu'on sait que ça n'a rien à voir avec le djihad. Et ils dénigrent les ulama en général. Vous allez trouver que ces gens là ils dénigrent les ulama et ils les insultent, hein, et ils les déclarent même parfois kuffars. Ils déclarent les ulama kuffar, parce qu'ils disent que les ulama ne déclarent pas les dirigeants mécréants. Donc parce qu'ils ne les déclarent pas mécréants, ils sont eux-mêmes mécréants, et donc ils déclarent les ulama mécréants, kuffar, hein. Et donc c'est pour dire que ils disent les ulama, ils font pas le djihad parce qu'ils prennent pas des armes pour aller au combat, et ils sont pas d'accord avec eux dans le terrorisme qu'ils font et les actes de désordre qu'ils font, alors que le travail qu'ils font en préservant la sunna et en distinguant qu'est-ce qui est authentique de qu'est-ce qui est faible, et en réfutant les innovateurs, et en clarifiant les fondements de la foi et les fondements de la aqida, et en expliquant aux gens le tawhid et la sunna, ça c'est la plus grande forme de djihad que quelqu'un peut faire. Même que on a posé la question une fois à l'imam Ahmad, qui est meilleur, celui qui jeûne et qui prie la nuit et qui jeûne, ou celui qui répond et qui réfute les innovateurs? L'imam Ahmad, il a dit, le meilleur, c'est celui qui répond et qui réfute les innovateurs. Il est meilleur que celui qui prie la nuit et qui fait le jeûne. Pourquoi? Ça veut dire qu'il fait le jeûne surérogatoire. Pourquoi? Parce que celui-là, il fait le bien juste pour lui-même. Quand il prie, c'est pour lui-même. Quand il jeûne, c'est pour lui-même seulement. Tandis que l'autre qui réfute les innovateurs et qui clarifie leurs égarements, il fait un bien pour toute la Ummah. Et il avertit les gens contre le mal des gens de l'égarement pour protéger la croyance des musulmans et pour protéger leur adoration. Donc il fait un bien qui est général. Et c'est pour ça qu'il est meilleur. Et l'imam Ahmad a dit ça donc à son sujet, au sujet de ceux qui font ça. Ça, ce djihad-là, il est meilleur que le djihad même avec les armes. Pourquoi? Parce que le djihad avec les armes, le pieux peut le faire et le pervers peut le faire. Le soula qui boit de l'alcool, hein, il peut prendre une arme puis aller combattre les ennemis de l'islam lui aussi. Hein? Tandis que le djihad contre les gens de bid'ah et contre les munafiqin avec la science, c'est seulement les ulama qui sont capables de le faire. Parce que les ignorants, ils n'ont pas la capacité. Mais prendre une arme, tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin de science pour faire ça. La seule chose que tu as besoin, c'est de savoir comment ça fonctionne. Hein? Et de faire des entraînements, puis après, ça y est. Hein? Donc ça, c'est important de distinguer et de comprendre le respect qu'on doit aux ulama. Et le respect qu'on doit également à la science. Si vous voyez des gens qui se prétendent suivre la sunna et qui prétendent suivre l'islam, mais qui dénigrent les hommes de science et les savants de l'islam, et qui parlent d'eux avec des termes dérespectants, eh bien, vous savez tout de suite que c'est une personne qui est sur l'égarement. Vous savez tout de suite que c'est une personne qui est sur l'égarement. Celui qui dénigre les ulama, ceux qui sont sur le Coran, la sunna et la compréhension des salaf al-salih, et qui défendent la salafie et la sunna, vous les voyez dénigrés par ces gens-là, sachez que c'est des égarés. Comme ceux qu'on appelle aujourd'hui les haddadiyya. Il y a un groupe qu'on appelle les haddadiyya. Et eux, là, maintenant, ils sont sortis avec leur langue pour attaquer les ulama d'Ahl Sunna et pour parler contre eux et les insulter et les dénigrer et leur manquer de respect. Hein? Donc, prenez garde à ce genre de catégorie et d'individus. Et aussi, vous allez donc comprendre tout de suite en voyant leur méthode que c'est cette tendance-là. En réalité, ces haddadiyya-là sont des takfiriyin camouflés. C'est des takfiris qui veulent se faire passer pour des salafis. Mais ils ont caché leur vraie appartenance et ils insultent et ils attaquent les ulama de la sunna au nom de la sunna et en prétendant vouloir défendre la sunna. Donc prenez garde à ces gens-là. Après, le cheikh il dit « وَلِأَنَّهُمْ بَيَّنُوا مَعَانِي كِتَابِ اللَّهِ » ولأنهم بينوا للناس معاني كتاب الله عز وجل وما أشرفه من عمل وما أشرفه من عمل وما أجلها من قربات وما أجلها من قربات لأنهم بينوا للناس ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان حقا وصدقا بأنه قاله أو فعله أو أقره أو قرأ أو أقر عليه أليس هذا من الجهاد بلى إنه من أشرف الجهاد. Donc le cheikh il dit pourquoi, parce qu'ils ont le cheikh il dit parce qu'ils ont clarifié pour les gens la signification du livre d'Allah. Et il dit que, comme il est noble ce travail, hein, comme est noble ce travail, et comme il est majestueux, comme elle est majestueuse comme acte de rapprochement à Allah. Hein, la science, c'est une des formes d'adoration les plus nobles et les plus majestueuses. Les gens aujourd'hui, surtout à Montréal, en général, tu vois qu'ils donnent très peu d'importance à la quête de la science islamique et à la quête du savoir de la religion. Si tu vois par exemple quand il y a des cours, tu vois personne. Quelques personnes qui viennent assister à des cours sur la religion. Mais tu ne vas pas trouver des masses de gens. Les gens, en général, ils se détournent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de cette science. Ils ne connaissent pas l'importance de cette science. Parce que s'ils savaient la valeur de cette science, ils seraient venus à quatre pattes pour l'obtenir. Hein? Et ils auraient été loin pour essayer de la retrouver. Hein? Les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils partaient à d'autres chameaux, ils faisaient des voyages des fois deux mois pour arriver quelque part pour obtenir un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Nous aujourd'hui on a tous les livres avec nous, même des fois tu peux avoir il y a des frères, ils ont l'iPad ou même leur téléphone, tous les livres sont dans leur téléphone. Hein? Ils ont tous les volumes, Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, yani tous les tafsirs, yani du Coran, tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, tout ça il a dans son téléphone ou dans son iPad. Il n'a pas besoin de se fatiguer. Les Sahaba et les Tabi'in, et les Tabi'in, les premiers musulmans, ils partaient de la Mecque jusqu'à l'Irak, en Irak. Et après il allait jusqu'en Syrie, et après il allait jusqu'en Égypte. Et peut-être même il passait par le Yémen avant pour avoir un seul hadith. Hein? Il voyageait pendant des mois avec un chameau ou un âne. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité. Lorsqu'il a dit man salaka tariqan yaltabisu bihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin dans lequel il va chercher la science, Allah, par ce chemin, va lui faciliter une voie vers le paradis. Parce que la voie de la science, c'est la voie du paradis. Et c'est pour ça que vous voyez les frères à notre époque et les gens qui aiment la science, ils voyagent vers les hommes de science. Ils vont là où il y a les savants de l'islam, en Arabie Saoudite, au Yémen, hein, et dans d'autres régions du monde où il y a des savants, pour s'asseoir devant eux, pour prendre la science de ces hommes-là, pour apprendre l'arabe. Hein, de plus en plus, alhamdoulilah, il y en a des jeunes hein, qui ont compris l'importance et qui s'en vont là-bas et qui vont étudier avec les hommes de science parmi les gens de la sunna et parmi les gens de Ahl sunna. Ils ne restent pas avec leur ignorance et ils n'acceptent pas de rester dans l'ignorance parce qu'ils savent l'importance de la connaissance de l'islam et que c'est une voie qui nous rapproche d'Allah et qu'il n'y a pas de voie meilleure que la voie de la science de l'islam. Donc ça c'est quelque chose, je vous dis ça à vous aussi, je dis ça à moi-même, parce que la quête de la science, ça finit jamais, hein. J'ai appris un petit peu, c'est pas suffisant. On a toujours besoin d'apprendre encore et encore et encore, et de s'asseoir avec les hommes de science. Donc, lorsque vous avez ramassé de l'argent, ou que vous avez suffisamment d'argent, ou que vous avez la capacité ou les moyens de partir étudier l'islam avec des ulama, faites-le, parce que c'est le plus grand bien que vous pouvez faire, et profitez-en pendant que vous êtes jeune, parce que lorsque vous allez être plus vieux et que vous allez avoir plus de responsabilités dans la dunya, eh bien ça devient de plus en plus difficile pour vous. Donc profitez quand vous êtes jeune, et profitez pendant que vous avez la force, et profitez pendant que vous avez les moyens. Si vous êtes capable de partir, allez-y. Allez apprendre, allez étudier, et vous allez voir que c'est la plus belle chose et la plus grande chose et une des plus grandes formes d'adoration que vous pouvez, par laquelle vous pouvez adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas de meilleure que celle-là. Na'am. Donc, le cheikh, il dit donc que c'est une des plus nobles manières de s'approcher d'Allah. Il est important donc de rappeler ça tout le temps, de rappeler ça à des frères, de rappeler ça même aux sœurs aussi, aux femmes musulmanes, que la quête de la science est importante. C'est pas juste pour les hommes, c'est pour les femmes. Et la quête de la science, de ce qui est obligatoire, ça c'est qui est fondamental pour tout musulman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, talabul ilm farida ala kulli muslim. De chercher la science, c'est une obligation pour tout musulman. C'est-à-dire d'apprendre les bases. Ça, c'est une obligation pour tout. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Ils sont obligés d'apprendre la base de la religion et les choses obligatoires pour être capable d'établir les obligations. Ensuite, le reste, d'apprendre les choses qui sont supplémentaires ou recommandées, eh bien, dans ce cas-là, ça, c'est recommandé de le faire. Si tu es capable de le faire, c'est comme je dis, c'est la plus grande des formes d'adoration que tu peux faire. Ensuite, le cheikh il explique, il dit لِأَنَّهُمْ بَيَّنُوا لِلنَّاسِ مَا صَحَّ. Donc, c'est parce qu'ils ont clarifié pour les gens ce qui est authentique de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ce qui n'est pas authentique. Donc ils ont distingué entre qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui n'est pas authentique, pour qu'on n'attribue pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autre chose que la vérité et qu'est-ce qui est véridique, et qu'on ne lui attribue pas ce qu'il n'a pas dit, ou qu'on n'attribue pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on dit par exemple il a fait telle chose alors qu'il ne l'a pas fait, ou on dit qu'il a accepté ou approuvé de telle chose alors qu'il ne l'a pas approuvé. Donc ça c'est pas correct, et donc le cheikh il dit, il pose la question, il dit, est-ce que ça, ça ne fait pas partie du djihad, hein, de faire ça, de faire ce travail-là? Il n'y a pas de doute que ça fait partie du djihad. Et les hommes de science à l'époque des salafs qui ont fait ce travail-là, ils n'ont pas fait ça pour un salaire. Ils n'ont pas fait ça pour de l'argent. Ils n'ont pas fait ça parce que on leur a demandé de le faire. Ils ont fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ils ont dévoué et dédié leur vie entière à ça seulement, à la science. Et à la défense de la science et à la préservation de la science. Donc, le cheikh dit, certes, c'est la plus noble, le plus noble de tous les djihads que tu peux faire. Plus haut, il y avait une note de bas de page ici, à propos, lorsque j'ai mentionné que ceux qui insultent les sahaba sont maudits, le cheikh, il a cité la parole de l'imam al-Tahawi, un parmi les imams des salafs, l'imam al-Tahawi, et il a une aqidah qui est connue, qu'on appelle al-aqidah al-Tahawiyya. On n'a jamais fait encore, on n'a pas fait ce livre-là parmi les cours qu'on a donné. On n'a jamais, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore étudié ce livre-là ensemble parce que on n'est pas arrivé encore à ce livre. On n'est pas arrivé à ce niveau. C'est un livre qu'on étudie habituellement quand on est plus avancé dans l'étude de la aqida. Donc, quand on aura terminé les bases, là, plus tard, peut-être, inshallah, on aura l'occasion un jour de le lire ensemble et de l'étudier. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là. Mais qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Tahawi à propos du sujet des sahaba et comment on doit les aimer? Il dit wa nuhibbu ashab rasulillah wa la nufarrid fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Tahawi en expliquant l'aqida des gens de la sunna et des salaf? Il dit, nous aimons les compagnons du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous n'avons aucune négligence et d'exagération dans leur amour d'aucun d'entre eux. Nous n'avons de négligence ou d'exagération dans l'amour d'aucun d'entre eux. Et nous ne nous désavons d'aucun d'entre eux. Et nous ne détestons, c'est-à-dire nous ne détestons aucun d'entre eux. Et nous détestons celui qui les déteste. Et ceux qui les mentionnent par autre que le bien. Hein? Nous détestons ceux qui les détestent et ceux qui les mentionnent par autre chose que le bien. Hein? Et nous ne les mentionnons que par le bien. C'est-à-dire, on ne parle pas du mal à propos des sahabas, jamais. Hein? Et on ne mentionne jamais du mal à propos des sahabas. Et de les aimer, ça fait partie de la religion et de la foi et de l'excellence dans la foi. Tandis que de les détester, ça fait partie de la mécréance, de l'hypocrisie et de la transgression. Donc ça, c'est le statut des sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des sahaba, il a dit لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. C'est-à-dire, n'insultez pas mes compagnons parce que je jure par celui qui tient mon âme en sa main que si l'un d'entre vous donnait la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud en aumône ou en charité, eh bien cette aumône n'aurait même pas la valeur de ce qu'un sahabi donne d'une poignée de main de ce que le sahabi a donné, ou même la moitié de cette quantité-là. C'est-à-dire, si un sahabi donne une poignée de main de sadaqa, ou la moitié d'une poignée de main, eh bien, ça, c'est plus que toi si tu donnes la montagne de Uhud au complet. Pourquoi? À cause du mérite qu'ils ont. Et à cause du fait qu'ils nous ont précédés. Ils nous ont précédés dans la foi. précédé dans l'islam et tout le sacrifice qu'ils ont fait pour la cause d'Allah et pour la défense du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais égaler. Hein? Et même à l'époque, il y a quelqu'un qui avait demandé à l'imam Ahmad ibn Hanbal ou un autre d'entre les imams à propos de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Hein? Il a demandé à son sujet, est-ce qu'il est meilleur, Muawiyah ibn Abi Sufyan est un des sahaba, est-ce qu'il est meilleur ou bien Omar ibn Abdul Aziz? Omar ibn Abdul Aziz, c'est un khalifa qui est venu peut-être quelques temps après, quelques années ou quelques temps après, parmi les tabi'in, et qui était pieux et juste comme khalifa. Hein? Donc, ils ont demandé à l'imam Ahmad, qui est meilleur, Muawiyah ou bien Omar ibn Abdul Aziz, Muawiyah qui était un sahabi, et Omar ibn Abdul Aziz qui était bon, qui a fait beaucoup de bien, mais qui n'était pas un sahabi. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal a répondu et il a dit, la poussière qui est sous les sandales de Muawiyah est meilleure que Omar ibn Abdul Aziz. Donc c'est pour dire que il y a personne, peu importe son niveau, sa piété, le bien qu'il a fait, qui peut parmi les musulmans égaler les sahaba. Personne, dans leur mérite et dans le bien et dans la foi et dans la science et dans la piété. Impossible. D'accord? Donc ça c'est le statut et c'est le degré de ces gens-là. Ils ont un statut particulier et privilégié parmi les musulmans. Les sahaba, c'est une classe à part. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles et qu'ils ne font pas d'erreur, mais ils sont meilleurs que tous ceux qui viennent après. Hein? Et ils ont un statut, comme on l'a dit, qui est particulier par rapport aux autres. C'est les meilleurs de cette umma. Et quiconque parle d'eux en mal, ou mentionne d'eux du mal, ou les déteste, eh bien c'est des gens de l'égarement. Hein? Et la même chose aujourd'hui, c'est des gens qui détestent les gens qui suivent la sunna aujourd'hui, il y a un problème. C'est pas normal. Parce que si tu es sur la sunna, tu détestes pas les gens de la sunna, tu détestes les gens qui sont sur la bid'a. Mais si tu es sur la sunna, tu dis que tu suis la sunna, mais tu détestes les ulama de la sunna, tu détestes les salafis, puis tu leur fais la guerre, il y a un problème. Parce que tu vois cette catégorie-là aujourd'hui, parmi ceux qui prétendent suivre la sunna ou aimer la sunna, ils détestent les salafis, mais pourtant, quand c'est le temps de parler des gens d'innovation, ils ont toujours une excuse pour eux. Non, ils sont corrects, ils sont bien, c'est des musulmans, il ne faut pas dire du mal d'eux. Mais quand ils parlent des salafis, c'est des extrémistes, c'est des roulades, c'est ci, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont mauvais. Donc, pourquoi mon frère, t'es doux avec les innovateurs, t'es gentil avec les innovateurs, t'as de la douceur avec les innovateurs. Mais quand t'es avec les gens de la sunna et les salafis, t'es dur. T'as aucune pitié, tu parles contre eux, tu les insultes, tu les dénigres, tu parles dans leur dos et des choses de ce genre. Alors qu'ils sont sur la sunna. Il y a un problème. Hein? Et donc c'est ça qui se passe maintenant aujourd'hui, malheureusement. Et donc, qu'Allah nous préserve de ce genre de catégorie-là. Le cheikh dit ensuite, « ثم يأتي اليوم وقبل اليوم جماعات يلمزون ويلمزون من يتهمون أو من يهتمون بشأن تفسير كلام الله. Donc يلمزون من يهتمون بشأن تفسير كلام الله عز وجل ليبينوا للأمة كلام ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من ضعيفها. نعم جاء بعض الفرق المخالفة لمنهج السلف فذموا هذا الصنف من العلماء الربانيين بدون مصوغ من عقل أو نقل، إذ كيف يجوز أن يذم من يعكف على العناية بكتاب الله تفسيرا وتعليما ودعوة ونشرا؟ كيف يجوز أن يلام من يهتم ببيان صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها ومقبولها ومن مردودها؟ ببيان صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها ومقبولها من مردودها. Donc le cheikh il explique, il dit que à notre époque, hein, et même avant, il y a des groupes qui sont apparus et qui se moquent, hein, qui essaient de jeter des sobriquets, de se moquer des gens qui s'attardent et qui se préoccupent de l'explication de la parole d'Allah, hein, Azza wa Jal, et de ceux qui veulent clarifier la parole d'Allah à la Ummah, et qui veulent expliquer et clarifier ce qui est authentique de ce qui est faible dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit oui, il y a des sectes qui sont en opposition avec la méthodologie des salafs qui ont ramené cette attitude-là et qui blâment la catégorie de ulama qui ont travaillé pour justement faire tous les efforts pour expliquer le livre d'Allah et pour l'enseigner et pour appeler à la sunna et pour la propager. Et ils se basent pour faire ça sur aucune preuve, aucune référence, ni de la raison, ni de la révélation. Comment quelqu'un pourrait les blâmer, les ulama, qui ont travaillé toute leur vie pour propager la sunna et l'islam? Comment on pouvait justifier ce blâme et cette attaque et ces critiques contre eux? C'est pas normal. Et donc, c'est très important de comprendre. Tu vois, par exemple, des grands ulama, et ça c'est important de les connaître, les ulama, et de connaître leurs noms pour les reconnaître et pour savoir qui sont les gens qui sont sur la sunna, de ceux qui sont sur la bid'a. Hein? C'est très important de les connaître, et en particulier les savants qui sont vivants à notre époque. Parmi les grands savants qui ont vécu à notre époque, comme le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qui est mort il y a quelques années, rahimahullah, et le Cheikh Ibn Uthaymeen, Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, et le Cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hein? L'Albanais, parce qu'il vient d'origine d'Albanie, d'origine. Hein? Et également le Cheikh, parmi les mashaykhs et les ulama, le Cheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i, rahimahullah, lui aussi qui est décédé. Et parmi les mashaykhs également, qui sont vivants aujourd'hui, le Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan, hein? Un des grands ulama. Et parmi eux également le Cheikh Abdullah Al-Rudayyan, qui faisait partie de Hayat Kibar Al-Ulama. Et si vous regardez les fatwas de Hayat Kibar Al-Ulama, le comité des grands savants permanents de l'Arabie Saoudite, vous trouvez le nom de la signature de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, et juste à côté ou en dessous, vous trouvez la signature de Cheikh Abdullah Al-Rudayyan, parce qu'il signait toujours les fatwas avec Cheikh Ibn Baz. Il fait partie des savants qui font partie du grand comité des savants de Al-Ifta, hein, donc Cheikh Abdullah Al-Rudayyan, et également le Cheikh Salih Al-Luhaydan, qui est encore vivant, hafizahullah, et qui donne des cours encore, que Allah le préserve et lui donne une longue vie, hein, et le fasse le rendre profitable pour les musulmans, de même que tous les autres musulmans, de même que tous les autres ulama. Et également parmi les grands ulama aussi qu'il faut mentionner, le Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, hein, rahimahullah, qui est décédé lui aussi il n'y a pas longtemps, qui était d'origine de l'Éthiopie, et le Cheikh Ahmed Al-Najmi, rahimahullah, hein, qui fait partie des grands ulama. Et aussi parmi eux également le Cheikh, un des grands savants qui est vivant à notre époque, Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, hein, et lui en particulier, qui est connu pour ses réfutations de Sayyid Qutb et de beaucoup de sectes et de groupes d'égarements, de même que le Cheikh Salih Al-Suhaymi, qui est vivant, qui est à Médine, hein, en ce moment, et de même que qui d'autres encore, Cheikh Zayd Al-Madkhali, et il y a aussi il y en a beaucoup d'autres, et quand hein, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, un des grands ulama aussi à Médine, hein, et aussi Cheikh Ubaid Al-Jabiri, un des grands ulama, hein, qui est vivant encore, et qui donne des cours et qui donne des fatawas. Hein, il est à la retraite, hein, hafizahullah. Également, on l'a mentionné, Suhaymi, le Cheikh Mohammed ibn Hadi, Cheikh Mohammed ibn Hadi Al-Madkhali, le Cheikh Bazmoul, Mohammed Bazmoul, et le Cheikh Ahmed Bazmoul, et le Cheikh Abdullah Al-Bukhari, hein, et qui d'autres encore? On a mentionné, hein. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Le Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, le Mufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelrahman Al-Adani, Cheikh Abdullah Al-Adani, Cheikh Mohamed Al-Imam au Yémen, Cheikh Abdelaziz Al-Bura'i, hein, au Yémen aussi. Qui d'autres encore? Cheikh Raslan, Mohamed Saïd Raslan, et encore, hein, il y en a beaucoup d'autres. Donc ceux-là sont parmi des ulama qui font partie des ulama d'Ahl Sunnah et qui ont défendu la Sunnah. Abdel Salam ibn Burgess, hein, un des grands shuyukh aussi. Donc il y en a beaucoup d'autres, et tous ces grands savants-là sont des savants qui sont sur la voie des salafs. Hein, et qui ont défendu la salafia. Maintenant, si vous entendez des gens qui les critiquent ou qui parlent contre eux, ça c'est le signe de quelqu'un qui est dans l'innovation. En général, c'est des signes des gens qui font partie des innovations, des groupes de différentes tendances, soit des soufis, soit des chiites, soit des ikhwan, hein, et d'autres tendances aussi, des ahbash ou autres. Donc vous allez en entendre des critiques de différentes tendances, et aussi en particulier ceux qui les critiquent, c'est les khawarij. C'est les khawarij, et ils appellent les gens qui suivent les salafs, qui suivent la voie des salafs, ils appellent madakhila, hein? Ils les appellent des jamiya ou des madakhila, hein? Et c'est ça qu'ils utilisent souvent comme sobriquet quand ils parlent contre moi. Même à Montréal, ils ont dit: ah, lui Souleymane fait partie de la secte des madakhila. Et puis ils appellent aussi des wahhabis, hein, des wahhabis, des salafis. Donc si vous voulez savoir à propos de pourquoi ils appellent les salafis madakhila, eh bien j'ai fait 8 conférences sur ça. Je les ai mis sur mon site. Si vous allez sur le site, vous allez écouter pourquoi ils nous appellent madakhila. Ok, il y a la réponse claire là-dessus. Donc, alhamdoulilah, il y a aussi le Cheikh Zayd que j'ai mentionné. Puis, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a qui sont parmi leurs élèves. Donc, ça, c'est nos ulama à nous, les ulama de la Sunna, les ulama salafiyin. Donc, il y en a des gens aujourd'hui qui les critiquent, qui les blâment, qui parlent contre eux, et ainsi de suite. Donc, il y a un problème avec ces gens-là. Comment on peut blâmer des savants pour avoir travaillé dans la défense de la Sunna, et ainsi de suite? Le Cheikh, il donne la réponse. Il répond à cette question. Pourquoi ces gens-là, ils les critiquent? Et pourquoi ils se permettent d'attaquer ces ulama qui ont défendu l'islam et la Sunna, et ainsi de suite? Il dit: wal jawab la yajuzu bihalin an yudham. Donc, ce n'est pas permis de blâmer ces savants-là. بل يجب أن يدعى له بالتوفيق والسداد. Il dit, c'est obligatoire de faire des invocations pour eux pour que Allah leur donne le succès et la droiture. لأن عمله من أعظم الجهاد في سبيل الله. Parce que son travail c'est parmi les plus grandes formes de jihad dans le sentier d'Allah. وسبيل الله هو غير السبل التي وقفت عليها شياطين الإنس والجن تنادي بالدخول فيها بل هو تمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال والغير والغي من الرشد والغي من الرشد. Donc le Cheikh, il répond, il dit que, ensuite il dit donc, parce que il dit le sentier d'Allah ou le chemin d'Allah, c'est quoi? Le sentier d'Allah, c'est le sentier qui est différent des petits sentiers à la tête desquels il y a un diable dont je vous ai parlé hier dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Ibn Mas'ud, dans lequel il disait que le chemin d'Allah, c'est un chemin droit. Il a tracé une ligne droite, il a dit ça c'est le chemin d'Allah, puis il a tracé des traits à gauche et à droite de ce chemin, et il a dit ça c'est les chemin d'égarement. À la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable qui appelle à ces chemins-là. D'accord? Donc, c'est ça le droit chemin, c'est le chemin qui est droit, puis c'est celui qui est différent des autres petits chemins qui s'éloignent et auxquels auxquels les diables, hommes et djinns, appellent les gens à entrer dedans pour tomber dans l'égarement. Et donc, les savants, de l'islam, ils appellent les gens à suivre le chemin d'Allah et à ils clarifient pour les gens le chemin d'Allah. Et ils leur expliquent la distinction entre la vérité et le faux, la guidance et l'égarement, hein, et la déviation et la droiture. Donc c'est ça le travail des hommes de science. Si tu vois des gens, par exemple, comme c'est le cas parfois, ils vont te parler de l'islam, et ça c'est le cas dans plusieurs endroits, des gens qui ne suivent pas la voie des salafs, ils donnent des cours sur l'islam, mais ils ne te parlent pas des bases de l'islam, ils ne te parlent pas du tawhid, ils ne te parlent pas des principes fondamentaux de l'islam et de la sunna. Ils vont te parler des enseignements généraux de la religion, sans rentrer dans les détails des fondements. Ils te parlent de la vie des prophètes, ils te parlent, oui c'est ça, souvent d'entre eux, c'est ça leur caractéristique. Ils te parlent des émissions, dans leurs émissions, dans leurs trucs, ils font des émissions, ils parlent de la vie des prophètes. Pourquoi ils font ça souvent? C'est pour cacher les innovations qu'ils ont derrière. Parce qu'ils essaient toujours de montrer une image de gentillesse, de douceur, hein, et de gens qui sont, yani des gens très très très calmes. Alors que, en arrière, ce sont des loups avec des peaux de mouton sur le dos. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Ils veulent te montrer qu'ils sont gentils alors que ce sont des takfiriyin, djihadiyin, extrémistes. Parfois, ils sont, il y en a des gens, tu peux même pas imaginer. C'est comme des gens à Montréal, des fois même. Ils font des rencontres avec les chrétiens, et ils font des dialogues avec eux, et ils disent, oui, les musulmans, il faut se rapprocher avec les chrétiens, et tout. Et après, ils disent, il faut faire de l'intégration dans la société, et ainsi de suite. Puis après, tu les vois, c'est des gros takfiris, des gros djihadis, ils défendent Ben Laden, ils défendent toutes les gens qui font du terrorisme, ils pensent que ça, c'est le djihad. Et ils veulent se donner l'image des gens qui sont, hein, les gentils et les doux. Parce que c'est des gens, souvent, ils ont des... Ça, c'est des gens qu'on appelle des Zul Wajhain. Hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ces gens-là Zul Wajhain. C'est-à-dire, ils ont deux visages. Ils ont un visage avec des gens, puis un autre visage avec d'autres gens. Alors que le musulman, il n'a pas le droit d'avoir plusieurs visages. Il est obligé d'avoir un seul visage. Et le visage qu'il a avec un, c'est le même avec les autres. Il ne change pas de visage avec les gens. D'accord? Donc ça c'est très important d'être clair dans cette affaire-là. Hein? Et de ne pas agir comme le caméléon. Tu vas avec un groupe, tu changes ta personnalité. Tu vas avec un autre groupe, tu changes de personnalité. Hein? Tu veux faire plaisir à eux, puis quand tu es avec les autres, tu veux faire plaisir aux autres. C'est pas comme ça. Hein? مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء comme Allah dit dans le Coran. C'est-à-dire ils sont indécis entre les deux. Ils sont pas avec les musulmans, ils sont pas avec les mécréants. Ça c'est l'attitude des munafiqin, des hypocrites. Ou bien le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يعني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. Hein? Quand ils sont avec les croyants, ils disent on croit. Puis quand ils retournent avec leur diable, ils disent non, pour de vrai, on n'est pas avec eux, on est avec vous. Mais on se moque. On fait juste se moquer. On joue. إنما نحن مستهزئون. Allah يستهزئ بهم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Allah se moque d'eux. Hein, en retour. Et c'est une punition pour eux. Donc, le cheikh, il dit, والطريق التي يرضاها الله لعباده لا يستطيع أن يبينها من لم يكن له عناية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمة علوم الشريعة عقيدة التوحيد التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يدعو الأمة إلى تحقيقها 13 سنة كما هو معلوم من تاريخ النبوة الغالي. Donc le cheikh il explique, il dit la voie que c'est le droit chemin, c'est la voie que Allah a agréée pour ses serviteurs. Et personne n'est capable de la clarifier s'il n'a pas donné de l'importance au livre d'Allah et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux différentes sciences. Et parmi les sciences qui sont à la tête des sciences de la charia de l'islam, c'est la science du tawhid, la aqidah du tawhid. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ces gens-là, ils ne donnent pas d'importance à l'enseignement des fondements de l'islam et du tawhid. Hein? Et il y a des gens, yani, subhanallah, ils sont restés avec les ikhwan pendant des années, ils sont restés avec Jamaat Tablir pendant des années. Je me rappelle, je me suis converti à l'islam, j'ai rencontré des gens à Jamaat Tablir qui allaient dans la mosquée de Jamaat Tablir à Montréal. Hein, à l'époque c'était ICQ, maintenant ils ont déménagé à une autre mosquée, la mosquée Madani. Hein, ça c'est, ce sont, il y a eu une, oui il y a eu une séparation je pense à un moment donné, mais c'est pour dire à l'époque, yani, il y a un homme qui était converti avec eux. Ça faisait peut-être 15 ou 20 ans qu'il était là avec eux. Et il a dit, yani, jusqu'à maintenant, il dit, j'ai pas encore appris l'arabe. Et j'ai pas encore appris ma religion. Il dit, j'aurais tellement aimé pouvoir apprendre l'arabe. Subhanallah. Mais il l'a pas appris avec eux. Parce que eux, ils enseignent pas aux gens. La seule chose qu'ils leur disent, venez avec nous 3 jours, 40 jours, hein, et ils s'en vont, ils font le tour, puis ils reviennent comme ils sont partis. Malheureusement, ils n'apprennent pas, et ils n'enseignent pas, ils font toujours répéter la même chose. Ils n'étudient pas les fondements de l'islam, ils n'étudient pas le Coran, ils n'étudient pas la Sunna, ils n'étudient pas le Tawhid. Même la ilaha illallah, ils ne savent pas ce que ça signifie. Et les Ikhwan, c'est la même chose. Les Ikhwan, eux, ils te détournent par la politique, par les activités sociales, par toutes les autres activités qu'ils font. Ils disent, nous, on veut être actifs dans la société. Et ils incitent beaucoup les gens, bon, à faire des hautes études, à devenir médecin, ingénieur, docteur, des choses comme ça dans la dunya. Puis, ils te mobilisent et ils t'endoctrinent dans leur groupe. Pour qu'après, quand tu finis tes études, eux, ils vont profiter de ton argent, ils vont profiter de ton temps, ils vont profiter de ta carrière, de ton expertise, de ton expérience. Puis, étant donné que tu es ignorant d'islam, eh bien, ils vont te manipuler facilement. Parce qu'ils ne veulent pas que tu étudies la science de l'islam. Et combien d'entre eux-mêmes, à l'époque même de Cheikh Al-Albani, quand il faisait des cours ou quand il enseignait à son époque, des gens de Ikhwan allaient suivre des cours avec Cheikh Al-Albani. Et ceux qui allaient voir Cheikh Al-Albani ont leur amir, parce que eux dans leur groupe, ils ont un chef des chefs à qui ils donnent allégeance. On leur a remis des feuilles sur lesquelles c'était écrit des avertissements. Que si tu ne cesses pas d'aller au cours de Cheikh Al-Albani, tu vas être banni de notre groupe et tu ne pourras plus être dans notre jama'a. Ça, c'est ça la hizbiya. C'est ça le partisanisme et le fait de diviser les musulmans. Que si tu vas étudier la science de l'islam et apprendre ton tawhid et ta aqida et les bases de l'islam, on te fait des menaces ou bien on te dit tu ne peux plus être dans notre groupe ou des choses de ce genre. Pourtant, c'est les bases de la religion. Hein? Donc, à Montréal, c'est la même chose. Il y a des endroits, tu vas y aller, ils ne vont jamais te laisser parler sur le tawhid et enseigner aux gens les bases de la aqida. Malheureusement. Donc ça c'est très important parce qu'ils pensent que de mentionner ces choses-là divise les gens. Alors que c'est la base de notre union et la source de notre unité. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 13 ans à Mecca. 13 ans à enseigner la ilaha illallah. Quand il était à la Mecque, pendant 13 ans il enseignait juste le tawhid. Il n'y avait pas encore l'obligation de la salat, du jeûne, de la zakat, du hajj. Pendant 13 ans, ce n'était pas encore révélé. C'était juste le tawhid, l'adoration d'Allah seul et le rejet du shirk. Et après, yani, il y a eu la première révélation, la première obligation de la salat en premier. Après, il y a eu la hijra. Hein? Pardon? Non, comme certaines adorations, comme la prière, a été révélée, je pense, 3 ans avant la hijra. Hein? Non, mais il y avait des adorations, c'est sûr, mais ce n'était pas obligatoire. Ce n'était pas des actes obligatoires comme des piliers, comme c'est venu par la suite. Parce que sinon, il y avait la prière, le dua, les invocations, hein, le Coran, qui étaient révélées, qui étaient récitées, c'était des adorations, mais il n'y avait pas des obligations comme la salat, la zakat, le hajj, les piliers de l'islam. Ça, c'est venu après. Même les ordres, les interdictions, c'est venu après. Hein? Comme par exemple l'interdiction de l'alcool, hein? Et beaucoup d'autres choses comme ça, c'est venu après ces choses-là. Hein? Et il y a des ordres qui sont venus en dernier aussi, des choses qui sont venues à la toute fin. Donc c'est pour dire que au début c'était la concentration sur la croyance. Donc il y a des gens aujourd'hui, pour eux la croyance c'est la dernière des choses, c'est la moins importante pour eux, ils n'en parlent jamais. Hein? Et même il y en a qui écrivent des livres pour les convertis, pour leur expliquer l'islam pour les débutants. Et tu ouvres le livre, tu regardes, ils te parlent la foi en Allah, 2-3 pages, puis après le reste du livre. Tu vois que c'est 200 pages pour le reste. Alors que ça devrait être 200 pages pour le tawhid et le reste pour l'explication. Hein? Mais les gens, ils ont renversé l'affaire, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans la compréhension parfois ou dans la façon d'expliquer, il y a des manques. Hein? Le cheikh, il dit فحذر أن يسمع لهؤلاء أن يسمع لهؤلاء الذين يقولون في حق العلماء الربانيين بأنهم قوم لا يعرفون إلا مكتباتهم ولا يعرفون إلا العكوف على الكتب ذات الأوراق الصفراء وما شاكل ذلك من الألفاظ وهذا إثم كبير وذنب عظيم يجزى أصحابه بالعقوبات الآجلة وقد يجمع الله لهم بين العقوبات العاجلة والآجلة عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه ويعودوا إلى رحاب الحق معترفين لأهله بالفضل بعد فضل الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit que faites attention de ne pas écouter à ces gens-là qui disent du mal des ulama et qui parlent à propos des ulama rabbaniyin, des savants de l'islam, et qui disent à leur sujet qu'ils ne savent rien que leur bibliothèque ou qu'ils ne connaissent que leurs livres, hein, et de lire les livres avec les pages jaunies. Hein, ils veulent dénigrer les hommes de science et dénigrer les ulama en disant « Oh, ils ont juste les livres, eux ». Et il y en a même parmi ces gens-là, les djihadis, les takfiris dont j'ai parlé tantôt, eux, ils disent « Ah, les savants, ils connaissent juste le sang des femmes, les menstruations, puis les règles des menstruations ». Comme si vous les dénigrez. Hein? Il dit, nous on connaît le sang des martyrs, le sang des hommes qui vont mourir pour l'islam. Eux, ils connaissent juste le sang des femmes, c'est-à-dire les règles qui ont parlé de la menstruation et qu'est-ce que la femme elle doit faire ou de ne pas faire, ou comment savoir la purification, des choses de ce genre. Comme si pour dénigrer cette science-là, et pour dénigrer les ulama, hein, pour se moquer d'eux. Et ceux qui ont ramené ces moqueries, la plupart, au début, c'était les gens de la secte des Mu'tazila. Ils disent, ah, eux, ils se préoccupent juste des hadiths et de la narration et de la science. Ils ne sont pas intéressés par les autres choses. Donc ça, c'est le cheikh, il dit, ces gens-là, hein, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un grand péché. Et ils méritent un châtiment dans la vie d'ici-bas. Et il se peut même que Allah rassemble pour eux les châtiments dans cette vie et dans l'autre. Donc ils doivent se repentir à Allah et demander pardon d'avoir dit ce genre de paroles, et ils doivent revenir à la vérité, reconnaître et donner aux savants leurs droits et leurs mérites, hein, après le mérite d'Allah, et être reconnaissant de ce mérite-là que les savants ont. Celui qui ne respecte pas les hommes de science, il n'a pas de bon en lui. Ça, c'est quelque chose de clair. Donc le cheikh dit « وَهَكَذَا تَتَابَعَ أَنصَارَ الْإِسْلَامِ بِالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَشَرْحِ مَحَاسِنِهِ وَفَضَائِلِهِ وَبَيَانِهِ لِلنَّاسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَفِي عَصْرِنَا هَذَا نَحْمَدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ رِجَالًا صالحين مخلصين يدعون إلى منهج السلف غير سالكين مسلك الحركيين الحزبيين في دعوتهم ذات التظاهرات والمسيرات والاغتيالات والتنظيمات السرية. Donc le cheikh il dit, et c'est ainsi que les défenseurs de l'islam se sont succédés hein, dans la da'wa, dans la prêche à l'islam et l'appel à l'islam, en expliquant les belles enseignements, les beaux enseignements de l'islam et les mérites de l'islam et les bons aspects de l'islam, hein, et tous les aspects de l'islam sont belles et sont bonnes, et en clarifiant aux gens à toutes les époques et dans tous les endroits, hein, les principes de la religion. Et à notre époque, le cheikh dit, et à notre époque, on remercie Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il y a dans le monde islamique des hommes sincères qui appellent à la méthodologie des salafs, sans suivre la voie des harakiyin, hein, c'est-à-dire des activistes, des gens qui font partie des différents mouvements, comme les frères musulmans et Hizb al-Tahrir et les différents partis islamiques qui sont créés, ou bien des groupes, des partis, les hizbiyin. Des fois on dit à propos des gens de bid'ah, on les appelle des hizbiyin, ou des gens qui font partie des hizb. Hizb, ça veut dire un parti. Et les hizbiyya, la hizbiyya, ou les partis, c'est quoi? Ou c'est comment on les définit? Un hizbi, c'est quoi? Un hizbi, c'est toute personne, ou tout groupe de personnes, qui se réunissent, ou qui se rassemblent entre eux, sur des éléments ou des principes qui sont en opposition avec les fondements de la sunna. Et avec les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Donc, si des gens se réunissent entre eux sur des fondements autres que les fondements du Tawhid, autres que les fondements de la Sunna et des fondements de Ahlus Sunnah, et qu'ils s'unissent là-dessus et qu'ils aiment et détestent les autres par rapport à ça, ça veut dire que ce sont des hizbis. Ce sont des hizbiyin. Donc, tous les gens de bid'ah sont des hizbiyin. Et tous les sectes sont des hizbis, hein, qui ont dévié ou qui ont. Et sont égarés. Et le fait qu'on dise que ce sont des gens de bid'ah, ou que ce soit des partis, ou des groupes, ou des sectes, ça ne veut pas dire qu'on dit à leur sujet qu'ils sont des non-musulmans, ou qu'ils sont des mécréants, ou qu'ils ont quitté l'islam. Ça ne veut pas dire ça. Parce que parmi les sectes de l'islam, il y a des degrés dans l'égarement. Et il y en a parmi eux qui sont des sectes d'égarement, qui sont des égarements qui les font sortir de l'islam complètement, comme les Rafida, comme les Jahmiyyah, hein? Et il y a d'autres sectes qui sont des sectes d'égarement qui n'ont pas atteint le degré de qu'est-ce qui fait sortir de l'islam. Sauf qu'on dit que ce sont des innovateurs, ce sont des gens de bid'ah. Ils sont toujours musulmans, ils sont considérés musulmans. Sauf qu'on dit que ce sont des égarés, ce sont des gens d'égarement. Mais on ne dit pas que ce sont des mécréants. D'accord? Parce que eux, c'est ça, des fois, ils pensent que quand on dit que ce sont des innovateurs, ou qu'ils ne sont pas sur la sunna, ou qu'ils ont quitté la sunna, ou qu'ils sont sur la bid'ah, ils pensent que ça veut dire que nous, on les déclare mécréants, ou qu'on ne dit pas que ce sont des musulmans. Ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'ils ne sont pas musulmans, comme les Ikhwan, Tablir, c'est des musulmans. Sauf que c'est des musulmans qui sont dans l'égarement. Hein? Et parmi les innovations, il y a des innovations qui sont kufres, il y a des innovations qui sont shirk, qui font sortir l'islam, et il y en a d'autres qui sont des péchés, et qui sont des désobéissances, qui sont contraires à l'islam, mais qui ne font pas que quelqu'un devienne mécréant. Donc ça, c'est très important aussi de comprendre. Et aussi, une chose importante, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas à n'importe quel individu parmi les musulmans de dire « lui, il est mécréant, lui, il n'est pas mécréant » quand il s'agit de musulmans. De dire « ah, eux, ils ont quitté l'islam ou pas quitté l'islam », ça, c'est quelque chose qui est réservé aux savants de l'islam, à ceux qui ont la connaissance des fondements de la religion. C'est pas à n'importe qui se permet de parler de ce sujet-là et de déclarer qui il veut ou comme il veut quelqu'un de kafir. Parce que ça, c'est très, très dangereux et très, très grave. De même que de dire que quelqu'un est un innovateur. C'est pas n'importe qui a le droit de se permettre de dire « un tel est un innovateur, un tel est un muqtadir ». Les ulama sont ceux qui connaissent ces choses-là et qui peuvent les distinguer. Non, si c'est quelqu'un qui est sur une bid'ah qui est connue, claire, comme quelqu'un dit « moi je suis un chiite, un rafidi ». Oui, ça c'est un innovateur, c'est un muqtadir. Quelqu'un dit « moi je suis un ikhwan, il défend ikhwan muslimin » et tout, ça c'est des choses claires. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais c'est quand on parle de quelqu'un qui est salafi, qui se dit salafi, qui se dit sur la sunna, puis qui par la suite a des choubourats dans des détails, des éléments qui sont très subtils dans le manhaj, ceux-là, ça il faut se référer aux ulama avant de dire qu'ils sont innovateurs. Mais s'il y a des savants qui ont parlé d'eux ou qui ont dit à leur sujet « ce sont des innovateurs », dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On se réfère aux savants. Et on dit, les savants ont parlé sur lui, ou sur un tel, ou sur tel groupe. Donc, c'est eux qui décident et c'est eux qui déterminent. C'est pas nous. Hein? D'accord? Donc, ça, c'est très important à comprendre. Donc, le cheikh dit que les gens qui suivent la voie des salafs, ils n'ont pas suivi la voie des hizbiyyin dans leur appel à faire des manifestations, à faire des marches, à faire des manifestations, à faire des attentats, à faire des organisations secrètes. Parce que parmi ces groupes de hizbiyyah, hein, et les sectes contemporaines, il y en a qui font des groupes, mais c'est des groupes secrets. Ça veut dire que ce n'est pas déclaré. Et ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à les joindre. Ils le font en secret. Et ils appellent certains individus seulement en particulier pour les appeler à joindre leur groupe. C'est les, qu'est-ce qu'on appelle? Le chef, il les appelle les Tanzimat As-Sirriya. Ils agissent un peu comme les francs-maçons, hein, comme les groupes de franc-maçonnerie, mais eux, ils font ça, mais à l'intérieur de l'islam. Et ils divisent les musulmans par ça. Et des fois, c'est pour ça que tu ne comprends pas des fois qu'est-ce qui se passe parfois dans certaines associations ou organisations. Mais elles sont toutes reliées. Tu vois que des différents centres islamiques, différentes mosquées ont différents noms et ils ont l'air en apparence d'être différentes associations qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, alors qu'en réalité, ils sont tous reliés et ils sont tous en train de travailler sous la bannière des frères musulmans, par exemple, et des Ikhwan. Hein? Que ce soit ici à Montréal, ou en Ontario, aux États-Unis, en France, en Afrique, en Asie, ils sont tous ensemble et ils travaillent tous sur la même voie. Hein? Et c'est pour ça, au début, quand j'étais converti, je me rappelle que je voyais des choses que certaines personnes faisaient et je me disais, mais ça c'est contraire à la sunna. Puis j'allais à une autre place, puis je voyais, je dis, mais eux ils font la même chose, et ça c'est contraire à la sunna. Comment ça se fait? Mais je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était relié, je pensais que c'était des individus qui avaient des erreurs en commun, mais qui n'avaient pas de lien entre eux. Mais par la suite, plus que j'ai appris, plus que j'ai découvert sur les questions qui ont rapport à ces choses-là, c'est là que j'ai constaté que tous ces gens-là sont tous unis en fait, en réalité. Et ils retournent tous aux mêmes égarements. Hein, et qu'ils ont tous des allégeances et des alliances entre eux. Hein. Et donc, c'est pour ça que tu retrouves des choses qui se ressemblent parmi toutes ces différentes tendances-là. Et donc, tu les vois, par exemple, pour les remarquer ou pour les reconnaître, parmi des points très très spécifiques que tu peux les reconnaître, ils défendent, par exemple, les manifestations qui se passent dans les pays arabes. Si tu vois quelqu'un qui fait l'apologie des manifestations, tout de suite tu sais qu'il y a un problème. Ou bien qu'il défend les élections et qu'il défend que des musulmans rentrent dans les élections, dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans. Ça c'est un signe de cette tendance-là. Ou bien il justifie les coups d'État et les attentats terroristes. Hein, ou des choses de ce genre. Quelqu'un, tu vois qu'il est d'accord avec ça, ça c'est une lumière rouge qui s'allume tout de suite. Ça veut dire, tu sais tout de suite que là, red alert. Ça, il y a un problème. D'accord? Ou bien, il défend des têtes parmi les têtes des innovateurs. Il défend des innovateurs, comme Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, hein, Tariq Ramadan, des gens comme ça. Il y a des fois, parfois, des gens qui vont les défendre par ignorance. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui sont ces gens-là pour de vrai. Donc, ces gens-là, il faut leur expliquer, leur donner des preuves, leur clarifier, leur donner des références. D'accord? Puis après, si la personne s'entête, puis veut débattre avec toi, puis tout le temps argumenter, tu te dis, ça, Yannine, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que nous, on n'est pas là pour débattre avec les gens. Et l'islam, ce n'est pas une religion pour faire des débats et pour argumenter avec les gens. Ça aussi, c'est une chose que je vous avertis. Que ce soit sur Internet, dans les forums, ou dans les mosquées, ou dans la rue, ou ailleurs, débattez jamais sur la religion. Rentrez jamais dans des disputes ou dans des débats au sujet de l'islam, au sujet de la sunna, au sujet de la religion, avec quiconque. Si vous voulez échanger à quelqu'un, la personne, elle comprend, est ouverte, hein, elle donne des références, tu expliques, tu échanges, vous voulez comprendre quelque chose ensemble, ça c'est bien. Mais si c'est un qui dit une chose, l'autre qui dit le contraire, puis là les deux commencent à se disputer, puis à argumenter, là tu laisses de côté cette discute. cette dispute-là. Même si c'est toi qui as raison, tu dis, ok, ça y est, c'est fini. De toute façon, la vérité, yani, par exemple, toi, tu n'es pas sûr, lui n'est pas sûr de quelque chose, ou bien toi, tu es certain, mais lui, il y a des doutes, ou toi, tu as des doutes, lui est certain, et puis vous n'êtes pas d'accord. Au lieu de disputer, laissez la dispute de côté, ramène tes preuves. Va chercher tes preuves, l'autre va chercher ses preuves, vous les ramenez, et le débat est fini. Mais s'il a resté en train de discuter, parler, je me rappelle, une fois j'ai parlé avec quelqu'un, on a parlé comme 2 heures, on était en train de répéter la même chose, 10 façons différentes. Et il dit, mais subhanallah, à la fin, on a perdu 2 heures de notre vie à des discussions inutiles. Et j'ai pris des leçons, alhamdoulilah, de ce genre de choses-là, et donc, une fois qu'on a compris ça, on ne rentre plus là-dedans. Et on ne discute plus, et on ne débat plus avec ces gens-là. Hein? Alhamdoulilah, il y a des livres qui existent, qui ont été écrits par les savants d'Islam depuis des siècles, qui réfutent les innovateurs. On n'a pas besoin d'aller perdre notre temps avec eux. Les preuves sont déjà mentionnées et expliquées et clarifiées, et leurs choubouhats sont mentionnés et réfutés. S'ils ont des doutes, la réponse est dans le Coran, ou dans la Sunna, ou dans la parole des salafs. Donc on n'a pas besoin de disputer. Et l'imam Malik, rahimahullah, il disait, lorsque quelqu'un venait, il disait, je veux débattre avec toi sur la religion. Il a dit, ok, qu'est-ce qui arrive si par exemple c'est toi qui as raison? Il dit, si j'ai raison, tu vas me suivre. Il a dit, si c'est moi qui as raison? Il dit, si moi j'ai raison, alors toi tu vas me suivre. Il a dit, mais si quelqu'un, un troisième arrive, puis c'est lui qui est plus fort que nous deux. Il a dit, dans ce cas-là, on va le suivre. Et il a dit, toi, va chercher. Va, il dit, moi, je suis convaincu de ma religion, je l'ai trouvée. Si toi, tu es dans le doute, ou si toi, tu sais pas c'est quoi, alors va chercher ta religion. Dans le sens que la vérité est dans le Coran, dans la Sunna. Si tu veux la connaître, tu cherches dans le Coran, dans la Sunna. Mais de commencer à débattre avec des gens, argumenter avec des gens pour rien, ça sert à rien. D'accord? Alhamdulillah. Donc, ça, c'est des points qui nous aide à distinguer et à comprendre ces choses-là. Et au fur et à mesure que le cheikh il va avancer, il va nous faire comprendre encore plus de détails à propos de ces choses-là. Donc c'est comme on a dit, parmi les religions, c'est l'islam qui est la vraie. Une fois que tu es rentré dans l'islam, maintenant c'est pas fini. Tu dois pas t'asseoir sur ta chaise et tu dis, ça y est, j'ai trouvé. L'islam c'est la vérité, maintenant je suis sauvé. Maintenant je suis sauvé et puis Dieu m'a guidé, donc je ne peux plus m'égarer. Parce que à l'intérieur de l'islam, il y a des égarements, des gens qui se sont égarés et des sectes. Et le diable, il ne perd jamais l'espoir de t'égarer du droit chemin, même si tu es musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti qu'il y allait avoir des divisions et des divergences. Faites attention, maintenant vous devez chercher. Et c'est pour ça que les salafs disaient, il n'y a pas une plus grande grâce, une fois que quelqu'un s'est converti à l'islam, autre que d'avoir rencontré quelqu'un qui est sur la sunna. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, une fois que tu as trouvé l'islam, que Allah te guide au droit chemin à l'intérieur de l'islam, parmi les différentes sectes, et c'est la voie de la sunna. Hein? La voie des salafs salih. D'accord? Et il n'y a pas d'autre voie. Donc c'est pour ça que le cheikh il explique tout ça. Et donc au prochain cours, Inch'Allah, on va continuer dans l'explication que le cheikh a commencé maintenant pour nous aider à avoir une meilleure compréhension de ces deux aspects-là. Et c'est pour ça que les salafs ils disaient, non seulement Alhamdulillah de nous avoir, d'avoir connu l'islam, mais ils disaient Alhamdulillah d'avoir connu la sunna à l'intérieur de l'islam. Hein? Naam. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Haraka. Al-harakiyin. Al-harakiyun. Selon que c'est maf'oul ou bien maf'oul bihi ou bien fa'il ou maf'oul, dans les deux cas. Si c'est fa'il, c'est harakiyoun. Et si c'est maf'oul bihi, c'est harakiyin. Et ça vient de haraka. Al-haraka, ça veut dire les mouvements. Et donc, al-harakiyoun, al-haraka, ça veut dire le mouvement. Et al-harakiyoun, c'est les gens qui sont membres de ces mouvements, ou qui sont adeptes de ces mouvements et de ces tendances. C'est souvent des gens qui sont des activistes islamiques. hein, des activistes. Vous savez c'est quoi l'activisme? Hein? L'activiste, c'est des gens qui sont activistes. Ils veulent toujours défendre une cause, quelque chose qui se passe dans le monde. Comme Greenpeace, ou des trucs comme ça, c'est des activistes, ça. Okay? Ben, il y a des musulmans, ils font partie des groupes d'activistes comme ça. Ils défendent toujours une cause. Que ce soit la Palestine, que ce soit d'autres trucs comme ça. Donc, il y a plein de groupes de... Oui, Haddadi. Non, c'est pas relié. Il n'y a pas de lien entre les deux. Non. Parce que Haddadi, ça vient du nom d'une personne. Je pense que c'était Mahmoud. Un homme qui s'appelait Mahmoud al-Haddad. Et lui, c'était un gars qui s'était présenté comme étant quelqu'un qui est sur la Sunna, qui est arrivé à Médine, un Égyptien qui est arrivé à Médine, et qui s'attardait uniquement à attaquer les grands ulama, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani et d'autres mashaykhs, et à critiquer les savants de l'islam, comme l'imam Ibn Hajar al-Asqalani et l'imam al-Nawawi, et il voulait même essayer de brûler leurs livres. C'est des choses comme ça. Donc on a compris que c'était quelqu'un qui était extrémiste, puis en fait c'était un takfiri. Puis on a appelé tous ceux qui suivaient cette tendance-là après lui des haddadiyya. Et parmi les haddadiyya, il y a par exemple Falih al-Harbi, et il y a aussi aujourd'hui maintenant Yahya al-Hajouri, et il y a parmi eux également Bashmil, un homme qui s'appelle en Arabie Saoudite qui s'appelle Bashmil, pas connu, et il y en a d'autres aussi, Moussa Dweish et autres, hein, ceux qui attaquent Cheikh Al-Albani et qui l'accusent d'être un murji, hein, rentrent dans cette catégorie-là aussi, hein. Et il y a aussi non, pas lui, ça par rapport lui, c'est un, ça je sais même pas dans quelle catégorie le mettre, tellement il est dans l'ignorance. Lui c'est un égaré ignorant, yani. Il fait de la prêche à la style de Ahmed Didat. Il se prétend être, disons, la continuité de Ahmed Didat, mais c'est quelqu'un qui a pas de manhaj, qui a pas d'aqida. Il suit pas la compréhension des salafs. La même chose aussi avec celui qui s'appelle, comment il s'appelle, Noaim Hassan ou non, Ishraf Imran Hussein, Imran Hussein. Oui, exact. C'est un soufi, en tout cas, il ne fait pas partie des gens de la Sunna. Il attaque la salafia, il appelle les salafis des wahhabis. Ouais. Non, Imran Hussein, c'est un des adeptes de... En fait, comme le frère a dit, c'est quelqu'un qui a étudié avec les soufis. D'après ce que j'ai compris, moi j'ai lu un petit peu son parcours, je pense qu'il fait partie des deux Urbandiyya. Non, mais c'est parce qu'ils viennent des écoles soufis déjà à la base, et il défend les thèses de théorie du complot. La franc-maçonnerie, le complot, les complots, les théories du complot, tout ça. Et puis il essaie d'interpréter l'islam à la lumière de ça, et surtout les événements qui se passent à la fin des temps, il essaie de parler de ça à la lumière d'expliquer l'islam à la lumière de... Il y en a des textes qui parlent des fins des temps et des signes de la fin du monde. Il interprète ça avec qu'est-ce qu'il se dit à ce sujet-là. Et dernièrement, il a écrit un texte, je pense, sur son site ou quoi, il attaque les salafis en les appelant des wahhabis et en disant que les wahhabis, c'est une création des zionistes ou je sais pas quoi, que c'est un complot des franc-maçonneries, puis des trucs comme ça. Ça, c'est connu, ça. Les soufis, ça fait des années qu'ils disent ça. Ils ont toujours essayé d'inventer de ce genre de délire-là. Mais, alhamdoulilah, ça montre juste clairement son égarement, en fait. Mais il y a des gens, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des emails pour me demander l'état de Imran Hussein, et beaucoup de gens sont confus à son sujet. Mais il n'y a pas de doute que c'est pas quelqu'un qui suit la sunna, et c'est pas quelqu'un qui est sur la voie des salafs salih. Oui, parce qu'en Haïti, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens qui sont allés pour établir la da'wa là-bas en premier, c'était tous d'établir. Et il y a un gars qui vient de Trinidad, qui fait partie justement des gens qui sortent des écoles des Diobandiyas, et qui est allé s'installer en Haïti, qui a ouvert une mosquée là-bas, dans une des villes. Et il fait partie de ces gens-là, il se fait appeler Mufti. Et eux, les gens des Diobandiyya, c'est comme, t'étudies dans leur école, quand tu sors, ils te donnent le titre Mufti. C'est comme ça. Alors qu'on sait très bien que quand quelqu'un, pour qu'on l'appelle mufti, c'est-à-dire c'est la plus haute autorité religieuse dans le pays. C'est-à-dire c'est vers lui qu'on retourne pour la fatwa, pour avoir des verdicts religieux. Donc c'est pas n'importe qui peut avoir ça. C'est pas après un diplôme de 4 ans, ou même moins que ça, ou même après avoir mémorisé le Coran, que tu vas avoir le titre de mufti. Il y en a qui pensent, et c'est ça le problème, étant donné qu'en Haïti, il y a la science qui est très très limitée, et bien les gens ils pensent que du moment que tu as mémorisé le Coran au complet, que ça y est, tu es un savant. Alors qu'il y a des gens qui ont mémorisé le Coran du début à la fin, ils sont plus ignorants que les ânes de leur famille. Hein? Ils n'ont aucune connaissance ni de l'aqida, ni du tafsir, ni du fiqh, ni du hadith, ni de usul al-fiqh, et ni d'aucune autre science. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mémorisé par cœur le Coran du début à la fin. Et pour faire ça, tu n'as même pas besoin de connaître l'arabe. Il y a plein de gens qui ne savent pas un mot d'arabe et qui ne pourraient même pas te dire une phrase en arabe ou lire un livre et qui ont mémorisé le livre Coran du début à la fin. Donc, mémoriser le Coran, c'est très méritoire et c'est une grande chose, et c'est une belle chose et c'est très important de le faire, sauf que ça ne veut pas dire que tu le fais, que tu es un savant. Hein? Et c'est ça que les gens aujourd'hui ne comprennent pas, yani Allah musta'an. Donc, c'est ça, on va s'arrêter ici. Oui, Yaakoum, Inch'Allah.